La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Elles ont toutes les deux une écriture légèrement baroque et enveloppent le lecteur dans un nuage de fables, mais de fables réalistes. Leurs romans apparaissent au lecteur derrière le voile léger du rêve éveillé, comme L'île d'Arturo d'Elsa Morante ou L'art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est cette atmosphère ainsi que la vie de leurs créatrices respectives que nous allons tenter d'interroger ici au cours de deux mini-séries qui nous conduiront jusqu'à jeudi. Jeudi, jour où l'éditeur de Goliarda Sapienza, Frédéric Martin, viendra nous livrer son point de vue sur cette autrice qui est un peu la sienne, car c'est par la France et de manière posthume qu'elle a acquis la célébrité. La veille, nous aurons raconté la vie de Goliarda Sapienza, ce sera avec sa traductrice Nathalie Castagnier. Enfin demain, ce sera le moment du deuxième épisode consacré à Elsa Morante avec Simonetta Greggio ainsi qu'avec Martin Rueff. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Elsa Morante et le couple qu'elle a formé avec Alberto Moravia, nous sommes en compagnie de René de Secati, romancier, essayiste, dramaturge, traducteur, spécialiste de littérature japonaise tout autant qu'italienne. On lui doit une biographie intitulée « Elsa Morante, une vie pour la littérature » publiée en 2018 aux éditions Talendier, tandis qu'il avait publié aussi celle d'Alberto Moravia, cette fois aux éditions Flammarion en 2010. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. J'ai commencé à écrire à 4 ans. À 4 ans ? Oui. Mais le premier poème, je l'ai fait quand je ne savais pas écrire. Et c'est très beau. À 2 ans et demi, quand vous étiez amoureuse du garçon de 9 ans. Ah oui, mais ce n'est pas un poème d'amour, c'est un poème de tragédie. Parce qu'il dit, un povero galletto che stava alla finestra, gli casca giù la testa e va, e va, e va. Bella. Un gallo piccolino che stava alla finestra gli casca giù la testa e non vede più e più. E peut-être c'était une prophétie. C'est beau, oui, oui. Et oui, c'est beau, Elsa Morante se remémorant son premier poème au micro de Jean-Noël Schifano. Bonjour René de Secati. Bonjour. Alors il semble que dès son plus jeune âge, la littérature a été l'une des grandes raisons d'être d'Elsa Morante. Oui, la littérature sera son unique raison d'être, à vrai dire. Unique raison d'être. Oui, je pense pas que la vie l'ait beaucoup satisfaite, mais elle aimait beaucoup la vie, mais c'est une vie transformée par la littérature et par l'imagination qui était fondamentale. Et en effet, comme elle l'a dit à l'instant, il y a des textes extrêmement précoces d'elle. Elle avait fait des petits cahiers présentés comme des livres avec des poèmes, des contes, et puis elle a commencé par écrire pour les enfants, pour les enfants de son âge, à vrai dire, et puis après, quand elle est devenue un peu plus grande, adulte, jeune adulte, elle a continué à écrire pour les jeunes, et puis jusqu'à ce que son œuvre s'épanouisse. Alors on va redétailler un petit peu tout ce passage. Elle est née le 18 août 1912, c'est une date qu'elle a longtemps dissimulée. Oui, de toute façon, de manière générale, elle n'aimait pas parler d'elle-même, de sa vie. Sa vie était tout à fait secondaire par rapport à ses livres. Et donc, sans doute, il y avait une part de coquetterie, bien entendu, sur son âge. Mais il y avait quelque chose de probablement plus grave que tout cela, c'était l'identité de son père. Je pense qu'elle voulait être floue sur la date de naissance, mais surtout sur les circonstances de sa naissance. Alors il faut expliquer précisément, René de Secati, que Elsa Morante est issue d'une famille atypique, puisque le nom de Morante n'est pas le nom de son père biologique. Voilà, son père officiel, enfin, d'état civil, s'appelle Augusto Morante, et donc c'était le mari, bien sûr, de sa mère. Et il n'a pas fait les enfants que sa mère a eus, c'est-à-dire Elsa Morant et puis ses frères et sœurs. Donc, Elsa l'a su assez vite. Sa mère lui en a parlé quand elle était encore adolescente, mais elle ne l'a pas rendu public. Et elle en a très, très peu parlé. Il y a un flou d'ailleurs sur la raison du fait que le père biologique n'était pas le même que le père officiel. Oui, on a parlé sûr, d'impuissance, par exemple. On a parlé d'impuissance, on a parlé également d'homosexualité, puisque en plus le père homosexuel est une obsession de Elsa Morant et qui en fait apparaître deux, en tous les cas, dans son œuvre littéraire. Et donc, probablement, il y avait un soupçon de la part d'Elsa Morant, en tous les cas, à l'égard de Augusto. Et son père, donc, biologique, qu'elle appelait son oncle, on le présentait comme un oncle, était un ami de son père. Il travaillait dans la poste. Et il venait régulièrement voir Irma, qui est la mère de Elsa Morant. Voilà, donc on ne sait pas après la mort d'Elsa Morant et Marcello, qui est son frère, le père de Laura Morant, le père de la comédienne, qui était un avocat et qui écrivait lui-même, a laissé lui-même planer un doute. C'est-à-dire qu'il a officialisé le fait que Francesco Lo Monaco, donc le nom du père génétique, était son père et le père de ses frères et sœurs. Et puis quand même, il a laissé planer un doute, et d'autres personnes encore ont accentué le doute, parce que en fait il semble que Francesco Lo Monaco ait connu Irma et Augusto quand ils sont venus s'installer à Rome. Or elle avait été conçue avant. Alors donc Elsa avait été conçue avant son arrivée à Rome, l'arrivée de ses parents à Rome. Alors on ne sait pas. Bon, ça peut-être pas une très grande importance, à vrai dire, mais bien sûr, je dis dans mon livre que si c'est le cas, si Elsa Morant n'était pas la fille de son père, comme on dit, elle partage avec Manzoni, cette même le plus grand romancier italien du XIXe siècle, cette même particularité, parce qu'il n'était pas le fils de Manzoni. En tout cas, reconnu. Ce Francesco Lo Monaco se suicidera en 1943. On imagine que ça n'est pas non plus sans importance. Quelle est l'atmosphère de cette famille, qui est une famille d'instituteurs? Comment la définiriez-vous? C'est une famille engagée dans la vie sociale, hein, tous les deux. C'est-à-dire Irma est une institutrice qui commence à écrire, qui publie, qui est engagée dans la vie syndicale, qui a une vie politique. C'est important parce que tous les enfants Morant s'engageront dans la vie politique, notamment la sœur cadette de Elsa, Maria, sera une grande militante communiste. Et le père, donc le père, maintenant disons le père, mais c'est le père officiel, Augusto, lui est éducateur dans une maison de redressement à Rome, et donc ils sont tous les deux vraiment très engagés dans la vie sociale. Ils ne sont pas riches, et le fait de ne pas être, d'être relativement modeste, est pas riche, mais intellectuel. Oui. Et alors elle va fréquenter, Elsa Morant, les enfants de cette maison de détention où travaille donc son père officiel. Voilà, c'est donc elle est le témoin de cette vie sociale, et elle-même va être projetée. Alors c'est important aussi parce qu'elle-même va être remarquée par une enseignante qui est une collaboratrice de Maria Montessori, donc d'une école tout à fait progressiste, qui va la prendre dans sa propre école. Et Elsa va être projetée dans un milieu relativement bourgeois, dans un quartier résidentiel de Rome. Et donc, elle va connaître deux Roms. Une Rome populaire, qui est celle où elle est née, puisqu'elle est née dans le quartier du Testaccio. Et puis après, elle s'installe dans le Trastevere, puis tout à fait ensuite à Montevideo, et donc elle va connaître une Rome extrêmement diverse, et c'est très important évidemment après pour la constitution de son œuvre. Alors on a dit, Renée de Ceccati, qu'elle était en littérature une enfant extrêmement précoce. Elle va se mettre à écrire très très rapidement aussi des petites nouvelles pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire de son passage très court à l'école finalement, parce que elle va quitter assez vite le lycée pour voler de ses propres ailes. Oui, elle commence à peine des études supérieures. Bon, elle n'a pas abandonné parce qu'elle manquait de capacité scolaire, intellectuelle évidemment, mais même pas scolaire, elle aurait pu. Mais il se trouve que à travers sa mère, qui déjà l'avait mise en contact avec des revues scolaires, d'ailleurs pédagogiques, mais également littéraires, elle va publier quelques petits textes qui ne sont pas des textes didactiques, qui sont vraiment des nouvelles, mais des nouvelles avec un fond un petit peu quand même, pas moralisateur, mais enfin, comme on fait lire aux enfants avec une leçon de morale. Enfin, elle a 16 ans hein, quand elle mais commence elle à écrire jeune, ses petits romans pour adolescents, ses petites nouvelles. Voilà, elle est encore très jeune, mais elle va être rapidement remarquée et on va lui proposer assez vite de collaborer à des journaux qui ne sont pas des journaux nécessairement pour les instituteurs et pour les élèves, mais qui sont des journaux de grande diffusion. Donc, et elle va beaucoup, beaucoup écrire de nouvelles. Elle quitte sa famille. Alors, on dit, est-ce une rumeur, une légende, que pour obtenir de l'argent, elle se serait prostituée, mais dans des familles, enfin dans des familles avec des gens qui étaient des bourgeois. Est-ce que ça vous paraît possible? Oui, est-ce que oui, ça fait partie de son caractère de faire ce genre de choses? Non, je pense, il y a eu plusieurs témoignages hein, qui en ont, y compris celui de Moravia d'ailleurs, qu'elle rencontrera également assez vite. Elle rencontra en 1936. Non, c'était pas de la prostitution dans la rue. Hein, c'était une prostitution avec quelques jeunes gens argentés. D'ailleurs, c'est probablement dans le cadre de cette prostitution un peu de luxe qu'elle va rencontrer un de ses grands amours, qui est un Anglais qui est installé en Italie et qui sera un des amours les plus passionnés de Elsa, avant et d'ailleurs après le mariage avec Alberto Moravia. Alors on va revenir longuement évidemment sur la relation avec Moravia, mais pour terminer sur les débuts, après ces nouvelles-là, il va y avoir un premier roman qui s'appelle Mensonge et Sortilège. On va d'abord, avant d'en dire un mot, en écouter un extrait lu par Fanny Ardant. Une nuit, je fus tout à fait réveillée par des pleurs douloureux et aigus. J'eus peur car depuis le jour où avait commencé notre fantastique illusion, je n'avais plus jamais entendu la voix de ma mère exprimer une telle douleur. Bien que ne la voyant pas, je compris tout de suite qu'elle était en proie aux habituelles imaginations de sa folie et que tout en pleurant, elle appelait son cousin, l'accusant de la torturer et implorant sa pitié, je m'aperçus qu'elle était agenouillée, les mains jointes, comme pour une prière chrétienne. Elle accusait son bien-aimé, et puis avec des accents de sorcière, elle l'appelait, et l'appelait encore par son nom. Hein, craignait-il par hasard, lui demandait-elle en riant, craignait-il par hasard de lui faire peur? Quelle idée étrange, vraiment, la pensée qu'il pouvait craindre de lui faire peur la faisait rire comme une folle. Eh bien, elle était là, elle l'attendait, qu'il se montre. Avec ce premier roman, Renée de Ceccati, est-ce que vous avez le sentiment que Elsa Morante est déjà en pleine possession de son art et de ce qui va faire ensuite d'elle une grande écrivaine? Oui, enfin, d'autant plus que ce premier roman n'est pas sa première publication. Elle a publié avant justement les nouvelles, Le Jeu Secret, qui sont les nouvelles qu'elle avait écrites pour différentes revues, et ça s'était publié en pleine guerre, et elle avait également publié un texte pour les enfants. Donc, Mensonge et Sortilège, oui, bien sûr, c'est probablement son chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est peut-être pas moi le livre que je préfère. Vous préférez L'île d'Arturo? Oui, bien sûr. C'est L'île d'Arturo que je préfère. Mais Mensonge et Sortilège est un livre extraordinaire et totalement inattendu. C'est-à-dire que quand il a paru, donc après la guerre, on était plongé, l'Italie était plongée dans le néoréalisme du cinéma, bien entendu, mais pas uniquement du cinéma. Il y avait un besoin d'exprimer la violence du fascisme, et donc les livres qui étaient publiés à ce moment-là n'avaient rien à voir avec Mensonges et Sortilèges, qui paraît être un livre du 19e siècle. Elle disait qu'elle voulait écrire le dernier roman du 19e siècle. En effet. Mais c'est ce que le sentiment que l'on a, hein, puisqu'on ne peut pas d'ailleurs situer temporellement le livre. On sait qu'il y a une partie qui est en Sicile, mais autrement temporellement, sinon qu'un mot, puisqu'il y a des calèches, brusquement il y a un train. Donc, mais il n'y a aucun élément moderne et il n'y a aucune allusion à la tragédie que l'Italie vient de vivre. Alors ça c'est très intéressant ce que vous soulignez, René de Secati, la calèche et le train. C'est vrai qu'avec Elsa Morante, dès ce livre, et pour tous les autres, je crois, mis à part peut-être la Storia, on est toujours à mi-chemin entre onirisme et réalisme. Est-ce que c'est ça qui fait sa caractéristique première pour ce qui concerne son œuvre, selon vous ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'était un écrivain. Elle revendiquait le réalisme. Elle revendiquait sa capacité, et à juste titre, de raconter des histoires avec lesquelles les lecteurs pouvaient s'identifier. Mais son monde était un monde complètement onirique. C'est-à-dire qu'elle entraînait le lecteur dans un univers de passion, dominé par la passion, dominé par l'intériorité, la subjectivité, et souvent la folie d'ailleurs. Enfin, en tous les cas, l'extrait qu'on vient de lire évidemment montre à quel point le personnage est hanté par la folie, et la folie de sa mère, pas uniquement la sienne propre, la narratrice. Et donc l'univers de Elsa Morante était ça. Elle reprochait d'ailleurs à ses amis écrivains leur matérialisme, leur côté terre-à-terre qui lui était absolument étranger. Peut-être à Moravia aussi. À Moravia en premier lieu. En Moravia, elle lui reprochait énormément même sa rationalité. Et le fait qu'il y a des lettres de Moravia où il proteste violemment en disant « Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui devrais m'occuper uniquement des impôts et des factures d'électricité. Je ne suis pas moins écrivain que toi. » Mais Elsa Morante se détachait complètement de ces considérations matérielles, mais pour revenir à sa création même, elle était plongée dans un univers que seule la littérature pouvait lui offrir. Vous le résumez de cette façon en disant que avec Elsa Morante, il ne s'agit pas d'observer le monde réel et d'en dénoncer les fausses valeurs, il s'agit au contraire de mettre à nu les terreurs, les mystères, les incertitudes d'un monde humain et inhumain. Elle allait aux limites, à ses propres limites, d'abord parce que elle allait très loin dans la passion et était prête à sacrifier beaucoup de choses, de la vie, de sa propre vie et de la vie des autres aussi, mais elle ne craignait pas d'aller au-delà de ses propres capacités, de ses propres possibilités. Et ces personnages sont ainsi. La plupart, on témoigne évidemment ses lettres, sa correspondance a été publiée, je cite pas mal de ses lettres, mais également des textes intimes où son journal, le journal qui a été de 1938, on voit qu'elle est toujours à la limite de ses propres capacités, même dans l'épuisement de l'écriture même. C'est pour ça qu'elle était très proche de Dostoïevski, bien sûr, mais qui est son modèle, mais également de Rimbaud, enfin des grands poètes. Alors 48, c'est donc la sortie de Mensonges et Sortilèges. Il faut revenir plusieurs années en arrière pour raconter la rencontre capitale de sa vie, l'une des rencontres capitales de sa vie, c'est en 1936, et c'est avec Moravia. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un peintre, Giuseppe Capograssi, qui la lui a présentée. Et tout à l'heure, vous évoquiez l'amant anglais. L'une des premières choses que lui aurait dit Elsa Morante, c'est une histoire totalement inventée sur cet amant anglais qui aurait été homosexuel et qui aurait tué devant elle son amant. Alors ça, c'est une forme de mythomanie. On est, chez Elsa Morante, toujours à la frontière, là aussi, que ce soit dans la littérature comme dans la vie, du fantastique, ce qui déborde de la rationalité, René de Secati. Ce qui est, oui, bien sûr, ce qui est étrange, c'est qu'il y a beaucoup de provocations dans ce... Moravia raconte cette histoire et il pense que qu'à la fin elle avait dit qu'elle lui avait menti, mais ce qui est terrible, c'est que, et Moravia ne le dit pas, c'est que en réalité c'est arrivé à Moravia, par contre c'est arrivé à Moravia d'assister à au suicide d'un homme, non pas d'un meurtre mais au suicide d'un homme. Et je pense qu'il y avait beaucoup de perversion chez Elsa Morante en inventant cette histoire qui était très proche d'une histoire qu'avait vécue Moravia et qui en plus le préoccupé terriblement quand il a rencontré Elsa. Donc, mais cela dit, ils se sont reconnus tous les deux quand ils se sont rencontrés. Dacia Maragni, est-ce qu'il est possible pour une femme de vivre avec un écrivain comme Alberto Moravia? Avec un écrivain en général. Mais pourquoi pas? Avec un écrivain en général. Oui. Mais oui, et pourquoi pas? C'est un homme comme un autre. Peut-être c'est plus difficile comme écrivain. C'est-à-dire que d'écrivain, il y a un côté de rivalité, généralement, qui peut être un peu difficile. Il y a deux personnes qui font le même métier, non? Mais dans nos cas, peut-être, je pense qu'on n'a pas eu ça. Peut-être parce que je le considère tout à fait quelqu'un tellement différent de moi qu'il n'y a pas un problème de ce genre. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Elsa Morante avec René de Secati. Alors quel couple formaient-ils tous les deux, Morante et Moravia? Parce que au départ, ça n'est pas une union totalement évidente. Non, parce que c'est deux tempéraments très différents, deux tempéraments passionnés qui tous les deux mettent très haut la littérature, ça fait pas de doute. Mais quand il rencontre Elsa Morante, lui-même est déjà très connu parce qu'il a publié Les Indifférents alors qu'il était très jeune. Il a publié plusieurs livres déjà, de nouvelles, un deuxième roman, Les Ambitions Déçues. Donc il est très, il est snob, il rencontre beaucoup de gens et je pense que tout ça a beaucoup fasciné Elsa Morante, et elle est indépendante. À aucun moment ils ont pensé vivre ensemble à ce moment-là. Ils ont vécu ensemble à partir de la guerre, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Mais et quand ils décident de se marier d'ailleurs, puisque même là, à ce moment-là, ils ne pensaient pas se marier. D'ailleurs, s'ils se marient, c'est peut-être parce que la guerre est là précisément et que eux ont des ascendances juives, bien sûr, des deux côtés, et finalement se marier dans une église du centre prévisible de Rome, oui. C'est une manière de se protéger peut-être. Oui, en plus le prêtre qui les marie, qui est l'oncle de celui qui les a fait se rencontrer, Tacchi Venturi, le prêtre est conseiller un rôle important. Il est conseiller de Mussolini. Il avait un rôle tout à fait visible dans le milieu fasciste. Alors, c'est une concession, bien entendu, de la part de Moravia. De la part d'Elsa Morante, non. Je pense qu'elle avait... Parce qu'il y a une dimension tout à fait sacrée chez Elsa Morante, et je pense que le sacrement même du mariage avait une importance pour elle. D'ailleurs, elle a... Quand ils se sont finalement séparés, elle n'a jamais voulu divorcer parce que pour elle, un mariage c'était une fois dans la vie et c'est tout. Pas uniquement pour des raisons légales, puisqu'en Italie c'était difficile de divorcer, mais aussi pour une raison profonde. Alors, ce mariage, bien sûr, comme vous le dites, ça a été pour essayer d'échapper au fascisme et que leur judaïté ne soit pas au premier plan. C'est un mariage pas de raison, parce qu'il y a une admiration très grande, mutuelle, un sentiment très fort, mais en même temps il n'y a pas de passion charnelle, et notamment Moravia l'a dit quelquefois que finalement il dit qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais été amoureux d'elle. Il dit ça. Donc j'imagine quand il dit amoureux, ça voulait dire qu'il y aurait eu une attirance sexuelle très forte et ce n'était pas le cas pour lui de sa part. Et par contre, elle l'a toujours aimé, mais dans tous les sens du terme. Je pense qu'elle était prête, même si elle n'a pas toujours été fidèle, mais elle était prête à consacrer sa vie entière à lui. On est parti de Rome en septembre 1943. Avec un train qui s'est arrêté au milieu de la campagne parce qu'il n'y avait plus de rails. C'était bombardé. Alors on a descendu casuellement à une ville qui s'appelle Fondi. On a trouvé Fondi complètement morte, il n'y avait personne. Et là on a cherché des paysans, on est resté 15 jours chez des paysans. Et puis les Allemands faisaient des rafles, surtout les jeunes gens. Et alors on est monté sur une montagne à 1000 mètres. On est resté là jusqu'à. C'était septembre, on est resté là jusqu'en mai. Alors, ma femme, elle s'est vraiment montré beaucoup de courage. J'aurais pu rester, me laisser seul, j'aurais accepté, parce qu'après tout, ce n'était pas ses affaires. Elle est restée non seulement, mais elle a fait encore une chose encore plus courageuse. Nous étions à 1000 mètres, il pleuvait, alors il commençait à faire froid. Moi, j'étais habillé en été. Alors, elle est allée à Rome exprès pour prendre des habits plus chauds. Avec un train qui était bombardé. Elle a fait ça comme un rêve, parce que nous étions à la montagne. Et là, moi, j'avais coupé des branches d'arbres comme faire un bâton pour marcher. Elle a oublié qu'elle était à Rome, elle voyageait dans le tramway avec ce bâton, fait avec une branche. Alors les gens pensaient qu'elle était folle. Lui était du côté du réel, il était engagé en politique, Alberto Moravia. On verra que Elsa Morante l'était aussi demain avec Martin Rueff, mais d'une autre façon. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux? Est-ce qu'ils parlaient littérature? Est-ce qu'ils voyageaient? Qu'est-ce qui les a rapprochés, René Tsekati? C'est la littérature qui les a rapprochés, mais ça variait selon les moments de leur vie. Là, bon, Moravia a parlé de la période de la guerre. Ce qui les a rapprochés, c'est certain, c'est cette expérience-là. L'expérience de Fondi, dont Moravia a tiré un livre extraordinaire qui est La Tchotchara, où il parle, sans parler de Elsa, il parle aussi de Elsa. Je dis souvent que Rosetta, qui est le personnage de la petite fille, de la jeune, c'est Elsa Morante. Et donc, il y a quelque chose qui a été très fort, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il a découvert le courage, il a découvert le dévouement, une espèce de folie d'Elsa Morante. Et puis après, bon, vous savez, jusqu'à la fin de sa vie, Moravia me disait toujours, le grand écrivain, ce n'est pas moi, c'est elle. Mm-hmm. Donc, il l'a beaucoup dit, il le pensait il vraiment. Il l'a dit à trop de personnes pour ne pas le penser. Mm-hmm. Et puis, bon, c'était un homme suffisamment intelligent et lucide, non pas qu'il se sous-estimait, hein, c'était pas du tout de la fausse modestie, mais il savait qu'il y avait une dimension chez elle que lui n'avait pas. Il avait d'autres qualités, des qualités d'intelligence et d'analyse extraordinaires, mais et de rapport humain aussi. Mais elle avait cette grâce, quoi. Et pour ce qui est de leur vie commune, ils se disputaient beaucoup entre eux. Donc ça, tout le monde en a témoigné. C'était insupportable. Mm-hmm. Leur dispute constante est très histrionique, très théâtralisée. Mais en même temps, ils voyageaient ensemble. Ils étaient un couple. C'est un peu comme Simone de Beauvoir et Sartre. Hein. Donc c'était le couple qu'on invitait partout. Donc c'était les deux intellectuels et avec une notoriété évidemment plus grande pour Moravia, mondiale. La notoriété mondiale, c'est lui qui l'avait. À l'intérieur de l'Italie, c'était à peu près équivalent. Sinon que Moravia intervenait beaucoup dans les journaux, alors que Elsa le faisait beaucoup moins. Et la rupture, elle va se faire de manière très lente, on peut même dire sur une dizaine d'années. Elle s'est faite vraiment à la fin des années 50. C'est-à-dire que Elsa... trouvé que Moravia n'était pas à la hauteur de son intelligence, n'était pas à la hauteur, son œuvre n'était pas à la, je parle pas de son intelligence, oui, à elle, mm-hmm, de sa propre intelligence à lui, mm-hmm, c'est-à-dire qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas une œuvre à la mesure de ses capacités, mm-hmm, ce qui était un reproche très très dur, très violent, dont d'ailleurs Moravia témoigne dans un livre qui est un de ses plus célèbres, qui est Le Mépris. Dans Le Mépris, c'est aussi de ça qu'il s'agit, même si les personnages ne sont pas Moravia et Elsa Morante, mais ça traduit quand même le sentiment que Moravia avait. Mais leur rupture, bien sûr, a des raisons sexuelles, comme très souvent les ruptures, même entre deux êtres qui s'aiment beaucoup, parce que Moravia était infidèle, Moravia avait d'autres relations, et il a rencontré Dacha Malaini, dont on a entendu la voix tout à l'heure, qui était une toute jeune femme, et qui va entrer dans sa vie, et qui va finalement remplacer Elsa, dans la vie quotidienne, en tous les cas, je ne dis pas dans tous les domaines, mais dans la vie quotidienne, certains, et amoureuse, et Elsa, elle va avoir une véritable tragédie qui va être la véritable cause de leur séparation. Et dont on va parler en deuxième partie de cette émission, juste après la chronique que nous propose aujourd'hui Anne-Sophie Rouvelou. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des Libraires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Mathieu. Avec aujourd'hui trois romans sous le signe du noir, puisque le week-end dernier avait lieu à Lyon le festival Quai du Polar. Tout à fait Mathieu. On va commencer par un ouvrage qui n'est pas un policier, mais qui flirte un petit peu avec ce genre-là. C'est Ma sœur serial killeuse, de l'auteur nigérian Oyinkan Braithwaite, qui est paru chez Delcourt Littérature. Donc là, on part, c'est un premier roman, déjà, d'emblée, donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on part du coup à Lagos, au Niger. Et c'est donc l'histoire de deux sœurs. Il y a Korede et Ayula. Korede, c'est la narratrice. Et la vie n'a pas été trop tendre avec elle parce que Ayula, sa sœur cadette, c'est une beauté fatale, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle éclipse un petit peu tous les regards, mais elle tue aussi. C'est une serial killeuse. Et du coup, Korede, comme elle est proche de cette sœur-là, elle est passée un petit peu maître dans l'art de dissimuler des cadavres, de faire disparaître aussi les preuves. Et c'est un petit peu l'histoire de leur relation. Et heureusement d'ailleurs que Korede a la tête sur les épaules, parce que ça donne lieu à des passages franchement drôles avec Ayula, parce qu'Ayula, elle tue, mais ça va pas, l'assombrir, ou quelque chose comme ça. Elle va continuer à danser, à chanter, elle va poster des photos sur Instagram, alors qu'elle est censée pleurer son petit ami disparu. Je dis disparu avec des guillemets, hein, bien sûr. Et donc, au moment de l'histoire, Korede, elle est un petit peu en train de perdre son calme, parce qu'elle est infirmière dans un hôpital, qu'elle est tombée amoureuse d'un médecin, qui est un de ses collègues, et elle voit sa sœur commencer à tourner autour. Donc là, elle prend une décision, elle se dit, bon, cette fois-ci, celui-là, elle ne le tuera pas. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu du roman. Sachant que c'est un ouvrage où on rit beaucoup, et voilà, c'est quelque chose qu'on va vraiment dévorer, hein, parce que c'est quelque chose de très original, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que vous avez aussi une relation sur les liens du sang, sur les relations entre les deux sœurs, qui a aussi la figure de leur père, qui est, vous verrez, parce que vous allez le lire, une figure qui traverse un petit peu l'ouvrage comme ça, qui est menaçante et qui est très dangereuse. Et bien sûr, on est au Nigeria, du coup, donc ça donne une partie où on découvre la culture, et voilà, les plats, etc. Et c'est franchement réjouissant. Voilà, une autre de vos sélections, un autre de vos conseils, c'est Dans la Noire, chez Gallimard. Ça s'appelle Un silence brutal et c'est un livre de Ron Hash. Ouais, tout à fait. Alors très rapidement, le mois de mars, il s'est passé quelque chose de très bien. C'est que en fait, la collection noire de Gallimard, du coup, est réapparue. Parce que ça faisait 14 ans que du coup, il n'y avait pas eu de parution. Et donc, elle revient un petit peu, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'éclat. Parce que y a une réédition d'Hervé Prudhon avec l'ouvrage Nadine Mook. Et il y a aussi deux inédits. Il y a un ouvrage de William Gay, qui est Stoneburner, que je vous conseille. Et il y a du coup ce fameux Ron Rash, Un silence brutal. Donc, pas de surprise, on est encore dans les Appalaches, la région chère à l'auteur, dans un petit village de Caroline du Nord. Et on va suivre donc une petite communauté qui a l'air paisible comme ça en apparence, sauf que deux voix, donc deux personnages vont se faire entendre, et c'est là qu'on va découvrir un petit peu toutes les luttes intestines qu'il y a dans cette communauté. Donc Donc pour les deux voix, la première c'est Les, qui est un shérif de 51 ans, qui est prêt à partir à la retraite, qu'on découvre en homme un petit peu assombri et vraiment atteint un petit peu par ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Et donc, Un silence brutal, ça va raconter sa dernière enquête. Concrètement, pour l'intrigue vraiment policière, il y a un bassin de truites qui appartient à un businessman qui a été empoisonné. Et donc, un coupable doit absolument être désigné. Et ça va, tous les regards vont se tourner vers un vieillard qui s'appelle Gérald, qui est plutôt mal en point et plutôt inoffensif. Mais voilà, ça va être un petit peu le coupable désigné. Sauf que du coup, c'est là que la deuxième voix, qui s'appelle Becky, va entrer en scène. Et c'est vraiment le personnage lumineux de cet ouvrage. Elle va se ranger, bien sûr, du côté de Gérald, essayer de le défendre. Mais surtout, c'est elle qui va introduire la poésie dans le récit. Parce que c'est une survivante, entre guillemets, d'une fusillade. Et donc, pour survivre à ce traumatisme, elle écrit de la poésie qui sont vraiment des petites odes à la nature qu'on retrouve vraiment au sein du roman. Donc vous avez bien sûr une enquête, mais c'est aussi un roman qui est un roman atmosphérique et qui va nous présenter des personnages qui sont bouleversants. Et j'insiste, hein, vraiment, c'est une très belle découverte. Et tous ces personnages, on voit bien qu'ils sont dans un monde qui est sur le point de changer. Et puis un petit mot pour terminer sur Les Mal-aimés de Jean-Christophe Tixier. Cette fois, c'est chez Albin Michel. Oui, tout à fait. Alors Jean-Christophe Tixier, on le connaît pour ses nombreux ouvrages jeunesse. Et là, il fait une entrée donc, en littérature adulte avec un roman noir. C'est du rural noir. Et donc là, on est dans un petit village dans les Cévennes. Donc pareil, une étude aussi un petit peu de personnages dans une communauté, hein, comme l'ouvrage précédent. Sauf que le point de départ, c'est que des événements étranges, entre guillemets, vont se produire au même moment. C'est-à-dire qu'il y a des chèvres d'un troupeau qui vont toutes mourir en même temps. Il y a aussi un accident sur un paysan qui va un petit peu intriguer tout le monde. Et donc, on voit que tous se crispent dans la communauté et ils mettent ça sur le dos du diable, entre guillemets. Sauf que ce qui se cache derrière, parce qu'on voit qu'ils sont tous un petit peu hantés par la même chose, c'est qu'il y a un bagne d'enfants. On est au tout début du 19e siècle. Donc ce bagne d'enfants vient de fermer et tous les personnages sont plus ou moins impliqués du coup dans des maltraitances à ces enfants-là. Donc du coup, ça va être un petit peu justement l'étude un petit peu de ces personnages qui ont tous une vie rude, qui est une vie aussi de misère, hein, puisqu'on est vraiment dans le rural noir. Et plus on avance, plus on se demande si le véritable mal qui gangrène cette communauté, c'est pas tout simplement la folie humaine. Voilà, n'en disons pas plus, lisons le livre. De toute façon, il y a beaucoup de chroniques de romans noirs et policiers à retrouver dans Page des libraires, des interviews, également le magazine qui est disponible dès aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Sophie Rouvelot, à bientôt. Merci. Des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui avec René Tsekati, de l'écrivaine italienne Elsa Morante, l'auteur notamment du roman La Storia, dont voici à présent un extrait lu par Jean Negroni. Mais finalement, dans la ville isolée, saccagée en état de siège, la véritable maîtresse, c'était la faim. À présent, le seul aliment distribué par le rationnement, c'était par ration de 100 grammes par tête, un pain composé de seigle, de pois chiches et de sciure. Pratiquement pour les autres aliments, il ne restait que le marché noir, où les prix augmentaient de façon si effrénée que vers le mois de mai, le traitement d'Ida ne suffisait plus à acheter même une fiasque d'huile. En outre, ces derniers mois, les traitements étaient payés avec irrégularité par la municipalité. L'héritage du fou, qui avait semblé à Ida un patrimoine énorme, avait été dissipé beaucoup plus tôt que prévu. Les provisions qu'elle avait achetées avec cet argent étaient sur le point de s'épuiser. Il lui restait tout juste quelques pommes de terre et un peu de pâte de guerre. Et le petit Giuseppe, qui grâce au fou s'était un peu remplumé, perdait maintenant chaque jour du poids. La pauvre lutte d'Ida contre la faim qui depuis plus de 2 ans la maintenait sous les armes était parvenue maintenant au corps à corps. Cette unique exigence quotidienne donnée à manger à Giuseppe la rendit insensible à toute autre stimulation, à commencer par celle de sa propre faim. Durant ce mois de mai, elle vécut pratiquement de salade et d'eau. Mais ce peu lui suffisait, et même chacune des bouchées qu'elle avalait lui semblait gaspillée parce que soustraite à Giuseppe. « La Storia, René de Segatti, c'est une fresque, c'est un livre social, c'est le roman le plus célèbre d'Elsa Morante parce qu'il a été aussi adapté au cinéma par Visconti. Pardonnez-moi, on vous a pas entendu, redites-le. Non, je dis non, c'est pas Visconti qui a fait La Storia. Oui, pardon. Mais c'est un film avec Claudia Cardinale, mais ce n'est pas de Visconti. Ouais. Oui. C'est pas votre roman préféré. Quelle est son importance tout de même dans l'œuvre d'Elsa Morante? C'est un livre très important dans l'œuvre de Elsa parce que elle voulait raconter enfin sa guerre qu'elle n'avait pas racontée. Donc le livre est de 1974. Elle a beaucoup attendu. Elle a écrit donc L'île d'Arturo, qui est un livre extraordinaire, mais qui est centré sur le monde de l'enfance. C'est Arturo, c'est en plus c'est Arthur Rimbaud, c'est tout ce qu'il y a de plus intérieur en elle. Et puis La Storia, elle raconte en partie sa perception de la guerre et aussi le fait que sa judéité, qui est importante parce que dans ce livre, elle parle du fait que sa mère était juive et qu'elle a échappé au camp de concentration. Mmh. Et à la fois sa mère d'ailleurs et elle-même, mais elle a assisté. Elle a su ce qui se passait en Italie. Et donc, à travers le personnage de Ida, elle a imaginé donc une femme dans la situation où elle était, c'est-à-dire la fille d'une juive, mais on ne sait pas qu'elle est juive, donc elle peut échapper, mais elle est dans la terreur constante, et elle construit ce personnage de son enfant, Giuseppe, qui va être sacrifié, l'enfant va mourir à la fin du livre. Mmh. Et elle essaie de décrire, au fond, toute l'histoire du fascisme, à travers le destin d'une femme très, très pauvre, très démunie, et qui est comme la proie d'une fatalité, qui est comme dépossédé de sa propre volonté. C'est ça qui rend le livre si pathétique et qui d'ailleurs a créé un très grand malentendu. Le livre a été très violemment éreinté, oui, quand il est sorti. Alors le film justement c'est de Luigi Comencini. C'est Comencini, excusez-moi, je ne retrouvais pas le nom au moment où, oui. Mais c'est vrai qu'il faut parler de Visconti aussi, alors oui. Pas pour ce film-là, mais pour la relation qu'ils ont eue tous les deux, Elsa Morante et Luigi Comencini. Comment est-ce qu'on peut la définir? Parce que on sait qu'évidemment Visconti était prioritairement, disons, d'abord homosexuel, et en même temps, cet amour, il a bien eu lieu entre les deux. Oui, c'est une relation qui a eu lieu, dont témoignent des lettres très passionnées, dont témoignent également des lettres de Moravia, qui était extrêmement jaloux, tout en sachant que c'était un amour perdu. Alors, Elsa Morante était fascinée par celui qui, à ce moment-là, était un metteur en scène de théâtre. Et elle avait vu des pièces de théâtre montées par lui, et bien sûr c'était l'auteur de Ossessione et surtout de La Terre tremble. Et Elsa Morante avait pris avec d'autres intellectuels la défense de Luchino Visconti parce que le film n'avait pas été distribué correctement en Italie, La Terre tremble, alors que c'était bien sûr un film extrêmement important. Et donc il y a eu un lien qui était d'abord intellectuel et puis qui s'est étendu. D'un point de vue affectif et sexuel. Et de la part de Visconti, je pense qu'il y avait une très grande admiration pour Mensonge et Sortilège, qui annonce en grande partie Le Guépard. Et donc, c'était un univers qui parlait beaucoup à Visconti. Je pense qu'il avait une très grande admiration pour elle d'un point de vue intellectuel, mais évidemment, il n'a pas supporté sa passion. Elle savait qu'il était homosexuel. D'ailleurs, elle avait même écrit un scénario pour Zeffirelli, qui était l'amant de Visconti. Donc, c'était pas un amour naïf, loin de là. Mais en même temps, c'est tout à fait typique du tempérament d'Elsa Morante. C'est pas le fait de savoir qu'il était homosexuel qui pouvait l'arrêter. C'est d'autant plus typique que elle va connaître aussi une passion avec un autre homosexuel, très jeune, celui-là, Bill Moreau, qui va mourir à 23 ans, se suicider, c'était un sculpteur. C'est... Ça, c'est la tragédie dont vous parliez juste avant la chronique de Sekati. Elle le rencontre à New York, donc en 1959. C'est un jeune peintre qui est lié à tout un mouvement américain d'avant-garde. Et elle le rencontre à travers l'amitié d'un Chilien qui était un ami de Léonor Fini. Elle-même était très liée à Léonor Fini, Elsa Morante. Et elle va tomber amoureuse folle de cet homme qui est une sorte de Arturo devenu grand. Alors, c'est un peu Arturo de l'île d'Arturo. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, dites-nous en quoi il est. Qu'est-ce que c'est que ce personnage d'Arturo alors? C'était la poésie même pour elle. Bon, Arturo est un enfant dans l'île, enfin un jeune adolescent dans l'île d'Arturo, et qui lui-même donc il vit dans un rêve dans cette île et au large de Naples, et il idéalise beaucoup son père, et puis en fait son père est homosexuel, il ne le comprend pas tout de suite, il finit par le comprendre et il tombe amoureux, le petit Arturo tombe amoureux de sa belle-mère qui est une jeune femme que son père épouse quand même, et tout le livre est à la fois centré sur l'amour fou de cet adolescent pour cette femme qui a pratiquement son âge, sa belle-mère a pratiquement l'âge d'Arturo, et cette fascination détruite peu à peu pour son père, mais c'est en même temps le porte-parole, Arturo est le porte-parole de tout le monde poétique d'Elsa Morante. Elle disait qu'elle aurait voulu écrire La Flûte enchantée sous forme romanesque. C'est comme un équivalent d'un univers fantastique mozartien qu'elle aurait mis dans un roman. Et Bill Morrow, donc, quand elle rencontre ce jeune peintre américain, il est d'abord très beau, et il est pour elle, il est comme une sorte de poésie pure, et il est donc lui aussi homosexuel, mais ça n'a aucune importance. Elle lui prête d'ailleurs l'appartement avec le garçon avec qui elle vit, son propre appartement, et elle est persuadée de pouvoir vivre cet amour totalement, pas charnellement. Elle sait que ce sera pas charnel, mais en même temps, c'est comme si un personnage qu'elle avait imaginé s'était incarné. Maintenant, elle va faire une erreur terrible, c'est qu'elle va organiser une exposition à Paris et en Italie, et tous ses amis vont venir pour acheter les tableaux de Bill Morrow, et Bill Morrow font, moi c'est une de mes théories, je pense, il retourne aux États-Unis et donc il va se jeter d'un gratte-ciel, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est à la suite d'une overdose, mais c'est peut-être la réponse, c'est-à-dire qu'il avait comme si il étouffait complètement et il ne pouvait pas supporter cette surévaluation de son génie. Et vous notez également que Dacia, la liaison de Moravia, a exactement le même âge que Bill Morrow. Et pour vous, c'est presque un peu les enfants du couple, d'une certaine manière. Tous les deux, oui, bien sûr, parce qu'ils sont nés tous les deux pratiquement quand Moravia et Elsa Morante se sont rencontrés. Ils sont nés en 36. Donc c'est très, très curieux, évidemment, cette situation en miroir, sinon que Dacia Maraini c'est une figure angélique, vous l'avez entendu, c'est une personne tout à fait extraordinaire et qui n'a pas une ombre d'envie, de malveillance, et qui a été une présence extraordinairement bénéfique pour Moravia, alors que Bill Morrow, involontairement, a eu un rôle diabolique. La fine d'una storia, io scriverò per te. La fine d'un amore, ora se ne va. La fine d'una storia, inventerò per te. La fine d'un amore, saremo noi. Resterò da solo io. Resterai da sola tu. Donc même après leur séparation d'Elsa Morante avec Alberto Moravia, ils vont continuer de rester proches l'un de l'autre. Ils vont s'occuper plus ou moins l'un de l'autre, et y compris dans la tragédie qu'est la fin de vie d'Elsa Morante et dont on peut parler maintenant. La fin d'Elsa, ça commence en mars 1980, cette longue agonie, par la fracture du col du fémur, qui va finalement, alors qu'elle n'a que 61 ans, elle est née en 1919, la projeter dans la vieillesse. Oui, elle va être projetée très vite dans la vieillesse. Tout le monde, les amis d'Elsa Morante ont témoigné du fait que c'est le suicide de Bill Moreau qui a commencé, au fond, cette lente perte de vitalité, quoi qu'elle ait écrit entre-temps quand même la Storia. Donc ouais. elle avait quand même beaucoup de vitalité encore, et elle écrira d'ailleurs, publiera en 82, Araceli, son oui. dernier livre, enfin son dernier grand livre. Qui est un livre quand même dur. Hein, Qui est un livre très dur, mais enfin bon, qu'elle a écrit jusqu'au bout, et donc qui est extrêmement important. Cette vieillesse est tempérée. Je voudrais pas la faire entrer tout de suite dans la vieillesse sans avoir parlé de la rencontre qu'elle a faite avec tous les gens de la Beat Generation. Mmh. Ça a été très important. Et c'est une chose que j'ai découvert d'ailleurs moi en écrivant ce livre, parce que il y a eu un livre essentiel dont nous n'avons encore pas parlé, qui est Le monde sauvé par les gamins. Et ça, c'est le livre qu'elle publie en 1968, donc avant la Storia. Et c'est le monde qui témoigne de son adhésion totale à une certaine jeunesse. Donc je voudrais pas qu'on ait une image d'une Elsa Morante qui sombre dans la vieillesse et dans la déchéance, alors qu'elle était, à partir de 1980, où, en effet, elle est très malade et elle va devenir vraiment grabataire. Elle a tenté de se suicider quand même aussi. Elle a tenté de se suicider. Bon, tout ça sont des conséquences de Bill Moreau. Mais elle a eu quand même un lien très très fort avec des comédiens. Elle va beaucoup au théâtre, elle est amie de comédiens, elle va découvrir toute une jeunesse militante à Naples. Donc il y a quelque chose d'extraordinairement actif et vitalisant dans sa vie. Et donc Le monde sauvé par les gamins, le recueil de poèmes qu'elle écrit, et témoigne de cette adhésion à un monde que son meilleur ami, Pasolini, n'avait pas compris. Je crois que c'est Alberto Moravia qui a écrit qu'Elsa Morante ne s'aimait pas justement parce qu'elle s'aimait trop. Qu'est-ce que ça signifie de sa personnalité ? Elle s'en voulait de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle voulait être. C'est ça le problème de Elsa Morante. Rien n'était assez bien de ce qu'elle faisait, rien n'était assez bien de ce qu'elle vivait. Alors elle voulait participer à la vie, et tous les amis que j'ai rencontrés qui m'ont parlé d'elle disaient à quel point elle entraînait ses amis dans la vitalité. C'est pas du tout quelqu'un qui plombait l'atmosphère, hein, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, les jeunes allaient la voir parce qu'elle lisait leurs livres, parce qu'ils savaient qu'ils auraient une écoute extrêmement sincère, un jugement très dur. Elle était extraordinairement sévère, mais elle était très présente, elle était là, et c'est la raison aussi pour laquelle elle s'est engagée politiquement à la fin de sa vie. Alors, Alberto Moravia a dit aussi que finalement, la mort, il ne l'avait jamais approchée d'aussi près que durant ces dernières années, parce que ça dure quand même plusieurs années, d'échéance malgré tout. On est bien obligé d'employer un mot comme celui-là. Il s'est occupé d'elle. Il allait la voir, bien sûr, tout à fait. Elle était dans une clinique privée qui s'appelait Villa Margherita, qui était donc dans un quartier qui était d'ailleurs très proche du quartier où elle avait fait ses études, dans cette école privée de Maria Montessori. Et donc, il allait la voir et il lui a quand même assuré des soins. Simplement, elle était dans un état de renoncement. C'était tout le problème était là, c'est-à-dire que il y avait un moment où elle n'arrivait plus à vivre. Elle ne voulait pas qu'on vienne la voir. D'ailleurs, elle limitait les rencontres. Et donc elle meurt le 25 novembre 1985, trois jours avant le 78e anniversaire de Moravia, qui lui va se marier très rapidement après. D'ailleurs la presse se moquera beaucoup de ce mariage qui sera très éphémère. Il sera pas si éphémère que ça. Il sera éphémère parce qu'il va mourir 5 ans plus tard. Mais en fait, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas divorcé avec Carmen Yara, qui est l'héritière hein, de Moravia. Non, mais elle s'était prise, je crois, de Walid Jumblatt. Oui, enfin ça, c'est autre chose. Qu'elle était infidèle, oui, mais en tous les cas, ils n'ont pas divorcé. De toute façon, Moravia aurait aimé divorcer avant, bien entendu, mais il a respecté de toute façon la volonté d'Elsa Morante, qui était tyrannique. Elle était tyrannique avec lui, elle était tyrannique avec d'autres personnes, et elle était tyrannique avec elle-même. Je vais terminer, si vous le voulez bien sûr, une dernière citation de Moravia au sujet de Morante, disant d'elle que la légèreté gracieuse et rationnelle d'un Mozart, d'un Stendhal, contrastée avec sa pesanteur, sa tendance innée à tout prendre au sérieux, a commencé par elle-même. Merci beaucoup, René de Secati. Je rappelle que vous êtes romancier, traducteur, éditeur, auteur de Elsa Morante, une vie pour la littérature. C'est publié chez Talendier en 2018. Votre biographie de Moravia a elle paru chez Flammarion en 2010. Et puis on vous doit récemment le livre Le Christ selon Pasolini, publié lui par Bayard. C'est une anthologie de textes du cinéaste. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Ludovic Auger. Demain, nous continuerons à évoquer Elsa Morante, mais cette fois en compagnie de Simonetta Greggio et de Martin Rueff. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la poésie, et c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous passons cette semaine avec deux jeunes auteurs, Johan Thomerel et Antoine Mouton. On pourrait dire deux jeunes plumes. Thomerel travaille en proximité du théâtre, Antoine Mouton pas loin à sa façon. « Mon corps n'obéit plus », dit Johan Thomerel aux éditions Nous Disparates. « Je n'étais plus moi-même, mais un autre, et pourtant, pour cela précisément, j'étais moi-même », dit Robert Walzer en exergue de « Mon corps n'obéit plus ». Au début, mon corps parle tout seul. C'est plus fort que lui. Dès le matin, il enfile mon t-shirt « What did you expect ?» Et il parle de lui. Il dit « J'ai faim, j'ai soif, j'ai encore sommeil, j'ai mal dormi. Je ne me souviens pas de tes rêves. C'est dommage vraiment, j'ai mal ici. Non, là, à la tête, au bras, à la main. J'ai mal au doigt, celui-là, l'index, le majeur. J'ai mal au ventre, j'ai mal aux genoux. Ça doit être une tendinite, j'ai mal partout. J'ai dû dormir dans une mauvaise position. Il dit « Aujourd'hui, j'ai envie de courir. Ça tombe bien, j'ai plus mal du tout. Mais alors, plus du tout, je suis complètement réparé. Tout va mieux. Je me sens tellement bien, je me suis jamais senti aussi bien. C'est presque inquiétant. Je vais pouvoir courir toute la journée, je vais pouvoir sortir de la ville, je vais passer par le tunnel sous le périphérique. Je vais courir dans les chemins de terre, prendre tout mon élan pour sauter par-dessus la rivière, rentrer dans le bois, courir dans les petits sentiers, faire la course avec des renards sauvages. Mon corps sautille d'impatience, mon corps s'arrête, mon corps se crispe. Il dit, non, c'est pas vrai, je ne suis pas vraiment dans mon assiette, j'ai mal aux genoux, je ne peux pas courir. Je suis même pas sûr de pouvoir marcher, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et continue ainsi plusieurs pages, 6 pages de « Mon corps parle tout seul ». Au lieu de se coucher tôt pour être le lendemain très performant dans son travail, Johan Thomerel sort, lit des livres et s'intéresse aux revues qui demeurent à ses yeux le foyer possible de réflexion et de création partagée. Un temps membre du comité de rédaction de Fusée, il fonde en 2009 la revue Grumeaux aux éditions Nous, consacrée à la poésie et aux littératures expérimentales, dans le prolongement de ce travail en revue de Rilbundin, etc. Ça se trouve extrait des laboratoires d'Aubervilliers. Mon corps en mode vieille école. Mon corps écrit un poème à la main. Suit le bilan graphomoteur du poème. Le poème révèle de sévères anomalies du mouvement cursif et de la conduite du trait, provoquant des irrégularités d'espacement entre les lettres et les mots, des malformations et des discordances de toutes sortes, souvent alliées à une qualité défectueuse du tracé. Dans ton corps, mon corps sort de son corps. Mon corps enseveli sous les brouillons détruits de mes derniers poèmes. Historique des opérations. Mon corps s'ennuie dans son corps. Mon corps s'ennuie en lui. Il aimerait en essayer un autre, mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien à faire à part accepter. Vautrer dans un canapé. En attendant, mon corps fait rentrer des trucs en lui. Des chips au vinaigre, de la fumée, du hip-hop, des viands. Mais il s'ennuie quand même. Alors mon corps se lève. Il a envie de sortir. Mais il n'y a rien à faire à part t'appeler. Mon corps a besoin de toi pour sortir de lui. Mon corps a envie de sortir de lui. Personne ne sait faire ça comme toi. Comme ça, voilà. Dans ton corps. Mon corps sort de son corps. La jeune plume Johan Thomerel au programme de vos lectures cette semaine. Merci Jacques Bonafé.